enfermé dans le ghetto. J'ai la nausée quand je vois que mon malheur fait leur bonheur. Je garde un œil sur tout, je me méfie de tout et tout le monde. Le manque de réalisme fait perdre la tête quand c'est la crise. Prends ta pelle et creuse, trop de soucis. Les poissons s'alcoolisent, un nuage de fumée dans les halls asphyxiés. Noir si tes lèvres, noir si tes poumons, c'est plus un rêve. Choisis bien ton camp, le mal du ghetto est contagieux. Tous un peu dérangés, tous veulent manger, peu importe le moyen. Le mal du ghetto c'est l'argent facile, innocent mais coupable. Je suis loin d'être stupide, tu sais. Je vois tout mais je dis rien, je m'en bats les couilles. Jusque là tout va bien, j'évite de faire des fautes d'orthographe. J'ai évité la garde à vue, la fumette, j'en ai vu de toutes les couleurs, le quartier m'embobine. Au fur et à mesure, j'endurcis mon cœur et je rentre dans la grande cour. Le mal du ghetto, argent facile, idée stupide. Le mal du ghetto, manque de réalisme et discipline. Le mal du ghetto, comme ça que la boisson s'alcoolise. Le mal du ghetto, on se baise mais on se fait la bise. Le mal du ghetto, argent facile, idée stupide. Le mal du ghetto, manque de réalisme et discipline. Le mal du ghetto, comme ça que la boisson s'alcoolise. Le mal du ghetto, on se baise mais on se fait la bise. Je reviens de l'enfer pour te crucifier, toujours près du bloc. Cherche l'inspi, je cogite, je débloque. Tous les jours j'écris, chaque jour j'y crois. Tous les jours j'entends les mêmes aboyer, ça craint. Je rentre pas dans leur jeu, surtout ça, je tire une croix. On m'a dit, j'ai pas cru, j'ai vu, je t'ai dit que la rue est pleine d'enculés qui te sourient. Y'en a pas un pour attraper l'autre. Plus t'avances, plus t'as d'amis qui changent avec le temps, je prends la température avant de plonger la tête sous l'eau. Je bois la tasse pour noyer mes soucis, je vois la tête se noyer. Toujours plus de bruit, le mal du ghetto, un pack de 12 pour tout oublier. Traîne tard dehors, fatigué de courir. Le mal du ghetto, argent facile, idée stupide. Le mal du ghetto, manque de réalisme et discipline. Le mal du ghetto, comme ça que la boisson s'alcoolise. Le mal du ghetto, on se baise mais on se fait la bise. Le mal du ghetto, argent facile, idée stupide. Le mal du ghetto, manque de réalisme et discipline. Le mal du ghetto, comme ça que la boisson s'alcoolise. Le mal du ghetto, on se baise mais on se fait la bise. Le mal du ghetto, le mal du ghetto, le mal du ghetto, l'école ou l'appareil. Le mal du ghetto, le mal du ghetto, du ghetto, l'école ou l'appareil. Argent facile, idée stupide. Argent facile, idée stupide. Manque de réalisme et discipline. Manque de réalisme et discipline. Comme ça que la boisson s'alcoolise. Comme ça que la boisson s'alcoolise. On se baise mais on se fait la bise. On se baise mais on se fait la bise. Argent facile, idée stupide. Manque de réalisme et discipline. Comme ça que la boisson s'alcoolise. On se baise mais on se fait la bise.